Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 9. 7. Grandeur de la compassion de Marie. Enfin, il nous faut dire quelques mots de la mesure et des dimensions de la compassion de Marie. Nous en avons tracé le tableau aussi bien que nous l'avons pu, non seulement il reste bien au-dessous de la vérité, mais il reste sensiblement inférieur à l'image réelle de la compassion telle qu'elle est dans nos esprits. Mille pensées nous assiègent à ce moment, mais, comment les exprimer convenablement? Les paroles semblent insuffisantes pour cela. Ce sont des pensées d'amour, et l'amour ne parle pas, il brûle. En outre, il faut qu'il y ait des limites à tout, excepté à l'amour. Il n'y a pas de limite à l'amour. L'amour est une œuvre éternelle. L'amour seul peut mesurer la compassion de Marie. Pensons aux souffrances de Jésus, elles s'ouvrent à nos pieds comme un abîme immense. En sonderons-nous la profondeur, ou, dans la conscience de notre néant, ne reculerons-nous pas devant une tâche si téméraire et qui présente si peu d'espoir de succès? Cependant la compassion contient cet abîme, le mesure et le contient miraculeusement dans ses propres dimensions. Si nous parlons de la beauté de Jésus, aussitôt se présente à nos regards la vision d'une mer sans rivage, qu'aucun horizon ne limite, et sur laquelle le soleil se lève et se couche au même moment avec son disque, à moitié caché à l'ouest, se levant déjà à l'est d'une mer dont les eaux sont éternelles. Semblable à cet océan de beauté étaient les eaux de l'amertume de Marie. Par un miracle opposé à celui de Moïse, le bois de la croix jeté dans ces eaux de beauté les a changées en amertume. Si nous pensons à la cruauté des hommes dans la passion, cette cruauté est un mystère plus rapproché de notre intelligence, et cependant cette proximité n'est-elle pas une distance presque infinie? Pour l'expliquer, ne sommes-nous pas obligés d'appeler à notre aide la théorie de la possession diabolique? Et même alors les horreurs de la passion sont presque incroyables, parce qu'elles sont presque inconcevables. Cependant ces horreurs n'étaient que la moindre partie de la compassion, si on les compare avec le courroux du Père et la beauté de Jésus. Si nous pensons à l'amour profond de Marie pour Jésus, c'est seulement pour nous réjouir dans la magnificence sans borne de cet amour. Cet amour est au-dessus de nos définitions et en dehors de la sphère de notre intelligence. Nous faisons des comparaisons bizarres sur tous les anges et sur tous les saints. Nous nous livrons à des calculs au gré de notre imagination, nous répétons nos superlatifs, mais nous ne le faisons que pour nous convaincre d'une manière plus satisfaisante que tout cela est au-dessus de nous, de même qu'un homme use de violence avec lui-même pour s'assurer qu'il est éveillé. Cependant, les dimensions de cet amour n'atteignent pas à celles de la compassion, parce qu'il y a là encore un autre amour, une autre source d'expansion merveilleuse. C'est le profond amour de Jésus pour Marie. Qui pourrait le décrire? Qui pourrait en parler même d'une manière figurée, car d'où tirerions-nous nos figures? Cependant la largeur, la profondeur et la hauteur de cet amour de Jésus pour sa mère sont les seules véritables dimensions de la compassion de Marie. Voici cinq abîmes, cinq mesures, cinq poids, les souffrances de Jésus, sa beauté, la cruauté des hommes, l'amour profond de Marie pour Jésus, l'amour profond de Jésus pour Marie. De toutes ces choses il nous faut, autant que notre infirmité nous le permet, tirer le meilleur parti possible, et nous nous formerons, sur la compassion de notre Sainte Mère, des idées qui seront salutaires pour nous et agréables à Marie, mais qui toutefois resteront toujours en dessous de la vérité. Une œuvre que Jésus et Marie ont accomplie ensemble, une œuvre formée du courroux de Dieu, du péché de l'homme, de l'union hypostatique et de l'innocence d'une créature pure. Ce doit être une merveille au sujet de laquelle nous pouvons tout au plus bégayer et dire d'amoureuse folie. Telle est l'œuvre de la compassion de la Sainte Vierge. Notre tâche est achevée, et l'amour donnera à nos pauvres pensées une vérité à lui pour les rendre utiles aux âmes. C'est un beau et terrible tableau que celui de toutes les afflictions d'une terre déchue réunie dans le cœur brisé de notre mère. Ce spectacle nous a-t-il émus? S'il l'a fait, pourquoi ne pas aller, dans un sage effroi du monde et de la mondanité, nous asseoir pour le reste de notre vie aux pieds de notre mère et méditer sur ses douleurs? Y a-t-il un travail plus propre à ramener les enfants prodigues à leur Père céleste? La compassion avec Marie est déjà la compassion avec Jésus. Nous pouvons dire que la compassion avec le Créateur invisible lui-même est le sentiment de dévotion qui nous fait servir Dieu le plus généreusement, et qui nous le fait reconnaître le plus tendrement comme notre Père éternel, éternel parce qu'il l'a été. Béni soit sa majesté, parce qu'il l'a été de toute éternité. Éternel parce que nous serons, béni soit sa compassion, parce que nous serons, avec Dieu, ses fils heureux, ses fils rentrés en grâce pour l'éternité. En vérité, c'est Marie qui nous place pour toujours dans le sein de Dieu. Par une certaine logique céleste, qui leur est propre, toutes les choses chrétiennes, doctrine ou dévotion, se résument enfin dans ce mot abrégé, mais le Dieu, et à lui seul suffisant, le Père éternel. markemdanarchive.org D'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.